Les yeux impossibles par Lucie de la rue Maldrus. Yvon avait jadis été un petit garçon étrange qui aimait les poupées. Il pleurait tous les soirs avant de s'endormir, pour en avoir une à côté de lui dans l'oreiller. Or, chaque nuit, sa mère l'entendait crier, se levait et s'approchait, sachant d'avance ce qui arrivait. Yvon, réveillé, reculé jusqu'au fond de la ruelle du lit, montrait du doigt son jouet, dont les yeux de verre luisaient curieusement dans le clair-obscur de la veilleuse et disait en claquant des dents « Ma poupée me regarde !» La puberté était venue effacer ces choses puériles. Imbue de la supériorité en lui naissante des grandes personnes, Yvon n'avait plus eu, pour de tels souvenirs d'enfance, qu'un haussement d'épaule. Et voici que maintenant, à mesure qu'il se faisait homme, il commença à se rendre compte que son âme ancienne de petit garçon avait été la plus vraie de ses âmes. En effet, les yeux des maîtresses, qui depuis toujours fascinent la volonté masculine, avaient pour lui, tous les jours davantage, un attrait singulier. Comme autrefois, devant la petite personne de cire ou de carton aux prunelles fixes, il éprouvait, pour le regard féminin, un sentiment où se mêlaient l'amour et l'épouvante. Que lui demandait-il à ce regard? Il se fatiguait vainement à chercher le sens de cette anxiété. Et de plus en plus, comme quelqu'un qui se risquerait au-dessus d'un puits dangereux, son esprit rôdait avec précaution au bord des prunelles féminines sans pouvoir s'y arrêter tout à fait. De sorte que ses amis disaient « C'est un être faux, il ne regarde jamais en face. » Nonobstant cette crainte, il osait parfois, à la dérobée, détailler leurs yeux alors qu'ils ne faisaient pas attention à lui. Puis, entré dans sa solitude, longtemps il se repaissait l'esprit de ce qu'il avait vu. Son tourment augmentait. À la longue, il imagina que les iris variés de ses amantes avaient peut-être, selon leur couleur, un goût respectif. Son inquiétude, alors, n'était-elle qu'une sorte de gourmandise mentale, une soif de connaître ce goût du regard? Il eût voulu boire, l'une après l'autre, tant de gorgées précieuses. Il pensait à certains yeux bleus un peu fades, dont la saveur était évidemment celle d'une eau légèrement sucrée. Il pensait des yeux tirant sur le verre qui étaient plus salés que deux gouttes d'eau de mer. Il en était d'un brun jaune qui riquait autant que le vinaigre, d'autres plus foncés, lourds et trop veloutés, qui poissaient comme du sirop. Ainsi les yeux, cette place lumineuse du visage humain, n'étaient pour lui qu'un secret breuvage. Ayant trouvé une telle explication, il se sentit d'abord soulagé. Mais il ne tarda pas à convenir avec lui-même que nul regard n'avait en réalité le goût qu'il souhaitait. Et dès lors, il comprit que de même que tant d'autres, il était tout bonnement chercheur d'impossible. Le goût qu'il souhaitait, c'était quelque chose de simple, de clair et de profond comme une source. Il voulait des yeux pareils à l'eau qu'on prend dans le creux de la main, au pied de certains chênes, cette eau sans diaphane de la terre, qui n'est parfumée que des odeurs du sol et des racines traversées, des lierres et des fougères qui s'y sont trempées, cette eau docile dans laquelle se couchent les reflets des aurores et des soirs, cette eau informe et incolore possédant toutes les couleurs mirées en elle. Oui, il désirait cette eau naturelle, ses yeux naturels. Il voulait y boire les aspects de la divine vie. Il voulait, en s'approchant, y apercevoir tout au fond son rêve de vérité ainsi qu'une naïade nue. Il voulait s'y désaltérer de toute soif, y noyait délicieusement son âme. Et aussi, il voulait que cette source qu'il cherchait, que ce regard qu'il cherchait, fût une chose à lui seul réservée. Il prétendait que les yeux miraculeux de femme, attendus sans y croire, n'eussent jamais regardé personne avant lui. Plusieurs années passèrent sur son rêve. Sa mémoire, pendant ce temps, enregistra bien des belles prunelles qu'il ajoutait à celles déjà connues, comme s'il eût joint des pierres de couleur à quelque invisible collier. Or, un soir vint, un soir qui semblait pareil à d'autres, un soir anodin de sortie en ville. C'était quelque comédie de salon, suivie d'un souper. La vraie comédie, comme toujours, était celle, non préparée, de la réunion mondaine où chacun, exhibant son meilleur sourire, réservait intérieurement la morsure secrète de l'ironie. Parmi le coudoiement général des habits noirs et des toilettes, Yvon sentait sa véridique personnalité s'assimiler à celle des autres. Il n'était plus qu'un chiffre quelconque dans le nombre banal. Il regarda le jeu des acteurs, applaudit, salua de ci de là, causa comme les autres, résigné d'avance à son rôle de monsieur en soirée. Et voici qu'en prenant sa place au souper, côte à côte avec des jeunes gens qu'il connaissait à peine ou pas du tout, ayant levé la tête, il vit en face de lui son rêve. Grandes ouvertes, les impossibles prunelles étaient là. C'était une jeune femme un peu pâle, mince et jolie, aux cheveux bruns bien coiffés. Mais comment Yvon eût-il distingué ces quelques détails? Pantelant, immobilisé comme devant la tête qui métamorphose en pierre, il contemplait seulement les deux yeux immenses couleur d'eau, simples et profonds, parés aux sources qu'on rencontre au pied de certains chênes. Et avec un frisson qui le fit soudain terriblement blêmir, il s'aperçut que, étrangement fixe, il ne regardait absolument personne. Elle causait pourtant avec ses voisins, elle y riait même de temps en temps, mais il semblait que ses iris, en se tournant du côté des interlocuteurs, manquaient chaque fois leur but et se fixaient ailleurs, vers quelque chose d'invisible et de merveilleux. « mon rêve !» balbutiait Yvon. Et seul, l'ordinaire indifférence humaine de ceux qui l'entouraient empêcha qu'il fût remarqué. Cependant, à un moment, la jeune femme, s'étant tue, regarda devant elle. Alors ses deux prunelles extraordinaires se plantèrent tout droit dans les yeux d'Yvon, et ce fut comme si deux glaives le traversaient. Il porta vivement les mains sans cœur, retenant la syncope du bonheur et de l'angoisse. Puis il ouvrit la bouche pour parler, pour clamer vers les yeux qui le regardaient. Et enfin, simplement, ayant repris un peu conscience, il leur fit un signe, un mince petit signe qui signifiait toute son âme, mais déjà le regard d'eau claire s'était détourné. Quand on se leva de table, ce fut une dispersion bruyante à travers les salons. On riait, on fumait, on attaquait les pianos. Au milieu de ce tohu-bohu, Yvon, nerveusement, s'accrocha au bras d'un jeune homme qu'il connaissait. « Présentez-moi, » bégaya-t-il. L'autre le regarda effaré, et Yvon s'étonnait qu'on ne comprît pas immédiatement qu'il s'agissait en cette minute de son destin même. Il s'expliqua, précisa la personne dont il voulait parler, mais en des termes tels que le jeune homme, supposant qu'il en était subitement amoureux, se mit à rire. « Ne vous emballez pas si vite, » dit-il, « ce n'est qu'une poupée, cette petite femme-là. » Yvon tressaillit à ce mot, et une explication colère le secoua. « Elle, une poupée » gronda-t-il, en faisant le geste de quelqu'un qui va tuer, et il ajouta, ivre d'indignation, « avec des yeux pareils !» Alors le jeune homme, prenant un air stupéfait puis mystérieux, « Comment, vous ne savez donc pas ?» et baissant encore la voix, entraînant Yvon à l'écart, « Surtout, n'ayez jamais l'air de vous en douter. C'est un accord tacite entre tous ceux qui la connaissent. Vous avez vu qu'elle parle, rit, s'amuse comme une personne ordinaire. Eh bien, elle fait semblant. N'est-ce pas là un bel exemple de la coquetterie malgré tout et de la ruse des femmes ? Pensez qu'on lui décrit d'avance, minutieusement, les gens et les lieux pour qu'elle n'en ait pas l'air. » Et comme Yvon continua à ne pas comprendre, il se pencha et chuchota imperceptiblement. « Elle est aveugle. » Yvon n'eut pas le temps de s'exclamer, car la jolie infirme passait précisément auprès d'eux, au bras d'une amie, et le jeune homme, complaisamment, commença. « Chère madame, permettez-moi de vous présenter mon camarade qui est... » Il n'acheva pas. Les deux yeux clairs, au hasard, s'étaient une seconde fois enfoncés dans ceux d'Yvon. Et le malheureux, chancelant, décomposé, fou, retrouvant le cri de son enfance prédestinée, se mit à hurler de toutes ses forces en se reculant au milieu de la foule terrifiée. « Ma poupée me regarde ! Ma poupée me regarde !» C'était « Les yeux impossibles » par Lucie de la rue Mardrus.